Barack Obama a présenté son plan pour les armes à feu. Il veut essayer de limiter ça aux États-Unis. Alors que dans l'actualité, on a ici même à Québec un complot pour meurtre à l'école Le Sommet de Charlebourg. Mathieu en a parlé tantôt, le trois jeunes qui apparemment c'était sérieux, voulaient tuer du monde à l'école. Présumé, les jeunes sont pas encore accusés. Mais quand même. Et là, la grosse question, jusqu'à quel point c'était sérieux, est-ce qu'il y avait accès à des armes, on le sait pas encore. Est-ce que c'était juste des menaces en l'air ou il y avait les moyens de concrétiser ça avec des armes à feu, on le sait pas. Mais admettons, là, voyez qu'on n'est pas à l'abri de personne. Ces jeunes-là étaient passés à l'action avec des armes à l'école Le Sommet. Qui c'est qu'ils auraient arrêté? Admettons qu'eux autres, là, je sais pas ce qu'ils ont entre les deux oreilles, mais ils décident de faire une tuerie, puis là, ils ont des armes. Moi, j'aurais pas détesté que quelqu'un à l'école, d'honnête, de rationnel, une bonne personne, ait aussi des armes. Un peu l'argument que la NRA est allée chercher, c'est-à-dire d'avoir des gardes armés dans les écoles. Mais pourquoi pas? Mais sans être des gardes armés, un policier. Moi, je trouve ça... des gens trouvent ça épouvantable quand je dis ça. Et pourtant, c'est basic. Les mauvaises personnes vont toujours trouver le moyen, dans certains cas, dans leur folie, de se trouver des armes malgré toutes les lois que tu vas passer. Est-ce que les bonnes personnes, donc est-ce que la société, pour se protéger, devrait pas en avoir des armes? La NRA m'a fait entendre une pub qui ont fait jouer hier et qui a scandalisé tout le monde au Québec et un peu partout. Puis moi, j'ai écouté ça hier, je m'attendais vraiment. C'était présenté comme scandale. La NRA, là, c'est le lobby des armes à feu aux États-Unis, la National Rifle Association. Alors évidemment, eux, ils veulent pas de contrôle des armes à feu. Et là, m'a fait entendre la pub, c'est en anglais, là, pour ceux qui connaissent un peu moins ça. Ils font allusion aux enfants de Barack Obama. Mais là, ils les nomment pas, ils les montrent pas. Mais ils font juste rappeler que Barack Obama, pour ses filles à lui, quand elles vont à l'école, mais il y a toujours des gardes armés à côté. Vous allez dire, ouais, mais c'est t'as pas peur. Pareil. C'est les filles du président américain. OK. Est-ce qu'ils valent plus que les autres enfants? Non. Ouais, mais Butch, il y a plus de danger pour elles. Vous avez raison. Elles sont plus à risque. Mais avec Newtown, le risque est partout. Il est plus grand pour les filles de Barack Obama. Je suis d'accord avec vous. Mais si on donne des gardes armés à ces petites filles-là, pourquoi on n'en donne pas aux autres? Je fais écouter la pub. Are the president's kids more important than yours? Then why is he skeptical about putting armed security in our schools when his kids are protected by armed guards at their school? Mr. Obama demands the wealthy pay their fair share of taxes, but he's just another elitist hypocrite when it comes to a fair share of security, protection for their kids, and gun-free zones for ours. Alors, vous voyez pas les images, mais bon, il rappelle qu'il y a des gardes armés pour les filles de Obama. Est-ce qu'elles sont plus importantes que les autres enfants? Ça va être quoi quand les écoles vont être des gun-free zones? Tu vois une image dans la pub, là? Il me semble que le tueur qui arrive, lui, le tueur, il y en a une arme à feu. Puis là, il voit ça, là, inquiétez-vous pas, il y a aucune arme à feu dans l'école ni aux alentours. Ben, ça fait son affaire. Il semble qu'il est bien content, non? Mais je suis pas d'accord. C'est pas que les enfants de Barack Obama sont plus importants que les autres enfants, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus identifiables comme étant des cibles. Si tu veux faire mal à Barack Obama, il y a bien plus de chances que tu t'attaques à ses enfants. Tu comprends? Dans ce cas-là, je pense que oui, ils ont besoin de gardes armés, eux, c'est clair. Elles sont plus à risque. Elles sont plus ciblées. Mais à Newtown, c'était pas les enfants d'un président. À Newtown, c'était des petites filles, des petits gars ordinaires qu'un fou a décidé de tuer. Il y a plus de risques, en effet, pour les enfants d'un président, mais si tu regardes l'histoire, combien d'enfants de présidents ou de PM ont été menacés? J'ai jamais vu ça, moi. Je me souviens d'aucun cas où on s'en est pris aux enfants de quelqu'un. Mais, on dit, il y a quand même un risque potentiel, on met des gardes armés. Ben, je comprends pas pourquoi il y aurait pas des gardes armés dans les écoles. Mais non. Plutôt que armer les bonnes personnes, on va essayer de mieux contrôler les armes à feu. Le résultat, ça va être qu'on va désarmer les bonnes personnes et les criminels se trouveront encore le moyen d'avoir des armes à feu. Ça va empirer la situation, selon moi. Mais dans ce que Barack Obama propose notamment, c'est pas l'idée d'interdire complètement les armes à feu, mais il y a certaines limites où, tu sais, je suis pas sûre que le gars dans le fond du Wisconsin, il a besoin d'avoir un chargeur à 40 balles, puis d'avoir des armes d'assaut, puis des armes. Tu sais, il y a certaines limites qu'on peut imposer, je pense, sans nuire à la liberté de personne. Et il y a des experts qui l'ont dit, si les tireurs fous avaient pas eu la capacité de recharger leurs armes automatiques de façon aussi rapide, ben il y aurait probablement eu moins de morts. C'est pas un mauvais argument. Moi, Anyway, dans ce qu'Obama a annoncé hier, je vous dis pas que je suis tout con. Il a annoncé notamment plus de surveillance pour les casiers judiciaires de ceux qui veulent acheter des guns. Moi, j'applaudis à ça. Mais l'argument de la NRA est pas mauvais. Que l'arme à feu, quand elle est placée d'entre bonnes mains, ça peut sauver des vies. Le problème, c'est la personne, c'est la main qui tient l'arme. Alors, qui essaie d'être plus sévère, qui essaie de, je sais pas, mieux détecter la folie, si c'est possible, de mieux encadrer ces gens-là, de les détecter. Je pense que on réussirait bien mieux à enrayer les tueries avec ça. 7h19, courte pause. On revient avec Régent